Un café citoyen, c'est un débat d'idées sur une... Un café citoyen, c'est avant tout un lieu convivial. Un café citoyen, c'est pas une conférence. Et c'est un échange, un partage. Ce qui importe le plus, c'est vraiment la participation des citoyens. En écoutant les opinions de chacun, de se faire une idée. Le principe est d'avoir des personnes ressources qui s'expriment sur une courte durée. Et ensuite, un débat est lancé avec les présents dans la salle. Il n'est pas tout à fait 8 heures, donc on va quand même un petit peu commencer. Les femmes ont voté il y a 70 ans. Notre association est née aussi il y a 70 ans. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées il y a 70 ans. Hein, que c'est un petit peu un des temps forts de ce qu'on avait préparé, puisqu'on avait commencé par tout ce qui était la résistance des femmes, les femmes dans les camps de concentration, les femmes qui créent l'Union des femmes françaises. Le droit de vote, c'était quelque chose d'essentiel parce que ça nous donnait effectivement un statut de citoyenne. Hein. Les femmes avaient montré qu'elles étaient citoyennes déjà depuis bien longtemps, mais c'est une reconnaissance qu'on n'avait pas de la part de l'État français. Bon, on l'a eu en 45. Alors, on verra avec Cady et Monique ce qu'on pense aujourd'hui du droit de vote, ce qu'on en a fait. Ce sera peut-être un peu polémique entre les deux. C'est l'objet d'un café citoyen. Le thème du débat, c'est le suffrage universel est-il garant du pouvoir des peuples ou une illusion entretenue? Combien de fois on entend parfois des personnes qui soutiennent un discours pessimiste sur le vote en disant que cela ne sert à rien ou que voter ne changera rien? Pourtant, posséder le droit de vote est le moyen le plus sûr de s'assurer que les hommes et les femmes politiques veillent aux intérêts des électeurs. Et ce, pour une raison toute simple, s'ils mécontentent la majorité de la population, ils risquent de ne pas être réélus. La démocratie est un système d'organisation où c'est le peuple qui gouverne. C'est un régime politique dans lequel le pouvoir appartient aux citoyens. En refusant que seule une minorité ou une élite gouverne, la démocratie donne une chance à tous les citoyens de s'exprimer et par là, de décider de son avenir. Moi, je dis que le vote est un composant de tout régime démocratique, mais pas n'importe quel vote. On parle bien ici du suffrage universel. Qu'est-ce que c'est que le suffrage universel? Il consacre l'égalité entre tous les citoyens. Chaque citoyen reçoit une ou une seule voix. La voix d'un citoyen ne vaut pas plus que celle d'un autre. De plus, le vote est secret et chacun est libre de choisir librement entre les listes et candidats proposés. Cependant, selon les pays et les époques, le suffrage universel peut comporter des restrictions d'âge, de sexe ou d'insanité d'esprit. Il peut également présenter certaines conditions comme celle de la nationalité. Le suffrage universel n'a donc pas de définition absolue, mais se définit par opposition à d'autres types de suffrage qui limitent le vote à une partie de la population, comme par exemple le suffrage censitaire basé sur un critère de fortune. Et la démocratie, c'est aussi bien plus que voter. La démocratie est fondée sur les libertés des citoyens, c'est-à-dire exprimer librement ses idées, manifester, débattre, construire, échanger ou interpeller des décideurs. D'un autre côté, la démocratie établit aussi des devoirs, des règles décidées à la majorité, nécessaires pour permettre le respect des libertés et la vie en collectivité. Tout ça pour ainsi dire que le droit de vote, comme vous l'avez constaté avec l'expo de Sylvie, c'est un long combat, pas encore achevé. En 1791, la France est gouvernée par une monarchie constitutionnelle mise en place par la Constitution des 3-14 septembre 1791. Dans ce régime, la souveraineté appartient à la nation, mais le droit de vote est restreint. C'est là où le suffrage était dit censitaire. Il y a eu aussi, après la révolution des Trois Glorieuses, 27-28 juillet 1830, la restauration fait place à la monarchie de juillet. Le droit de vote a été élargi. Le suffrage est toujours censitaire, mais le sens nécessaire pour être électeur à l'époque passe de 300 à 200 francs, ou 100 francs pour les cas particuliers, et de 1000 à 500 francs pour être élu. Loi du 19 avril 1831. C'est là où l'âge minimum pour voter était abaissé de 30 à 25 ans et celui pour être élu de 40 à 30 ans. Enfin, la loi du double vote qui permettait aux électeurs les plus imposés de voter deux fois est supprimée. En 1848, le suffrage universel masculin est alors adopté par le décret du 5 mars 1848 et ne sera plus remis en cause. Sont électeurs tous les Français âgés de 21 ans et jouissant de leurs droits civils et politiques. Le droit d'être élu est accordé à tout électeur de plus de 25 ans. Le vote devient secret. Et en 1944, voilà, le droit de vote des femmes est suffrage universel. L'ordonnance du 21 avril 1944 donne aux femmes de plus de 21 ans le droit de vote et rend ainsi le droit de suffrage réellement universel. Les femmes votent pour la première fois aux élections municipales d'avril-mai 1945. L'égalité de suffrage en Outre-mer en 1946, je tenais à le dire parce que je suis née en Outre-mer, et la loi du 7 mai 1946, on dépendait de France et en même temps, on était considérés comme des indigènes. L'histoire nous interpelle. On est en France, mais aussi on a été des sous-français à une époque donnée. Après, en 1974, il y a eu le droit de vote à partir de 18 ans qui a été adopté. Le président Giscard abaisse l'âge par la loi du 5 juillet 1974. En 1992, la citoyenneté européenne est acquise. C'est le traité de Maastricht qui institue une citoyenneté européenne. Donc, tout citoyen qui a la nationalité d'un des pays membres de l'Union européenne peut, lors des élections municipales et européennes, voter et se présenter dans l'État membre où il réside. Comment peut s'exercer une démocratie? Il y a diverses formes de démocratie. La démocratie représentative qui s'exerce ainsi. Il est difficilement réalisable que tous les citoyens d'un pays légifèrent eux-mêmes. Ils choisissent leurs représentants au moment des élections. Le citoyen peut aussi choisir librement entre plusieurs candidats. Dans une démocratie représentative, les représentants du peuple sont donc tenus de prendre des décisions dans les mêmes domaines d'action que le peuple leur a confiés. Ça, c'est la démocratie représentative. Il y a une autre forme qui est la démocratie directe, qui est un complément de la démocratie représentative. Il existe certains mécanismes de démocratie directe. Dans une démocratie directe, le peuple décide seul, sans l'intermédiaire de représentants. Le référendum, par exemple. Et ensuite, il y a la démocratie participative, à qui on adhère le plus parce qu'on est convié à décider, à participer à la décision. Donc, sans être opposé aux deux autres formes d'exercice du pouvoir démocratique, la démocratie participative est issue de la contestation du monopole de décision des élus. Elle associe les citoyens au processus de décision de manière indirecte et leur reconnaît un pouvoir de réflexion et de proposition. Quelle que soit la forme que prend l'application de la démocratie, pour nous, le vote est un passage nécessaire pour élire les représentants d'un pays, pour prendre une décision, pour répondre collectivement à une question, et seul un vote libre et égalitaire pour tous permet l'existence pour tous et pour toutes. L'existence de la démocratie. Je tiens à rappeler que tout citoyen peut agir en dehors des élections. Déposer un bulletin de vote dans une urne n'est pas l'unique moyen de s'exprimer. Directement ou via les associations, chacun peut interpeller les femmes et les hommes politiques. Une chance qui n'existe qu'en démocratie. La dictature, c'est ferme là. La démocratie, c'est cause toujours. Ce café citoyen organisé par Femmes Solidaires 16, c'est une position personnelle que je vais présenter. Je dis d'emblée que ce n'est pas la position des Femmes Solidaires, ni nationale, on la connaît un peu, ni locale, on n'en a pas discuté. Voilà. Hein, je tiens. Voilà. Donc, depuis plus de 30 ans, je vais lire un peu, je ne sais pas trop faire de l'animation, mais tant pis, hein, c'est pour ça que j'ai écrit d'ailleurs. Depuis plus de 30 ans, chaque élection en France pose la question de l'abstention. On entend des arguments. Les gens avant nous se sont battus pour le suffrage universel, donc il faut aller voter. Ou les abstentionnistes critiquent, mais ils ne participent pas. Mais quand les abstentionnistes viennent à représenter la seule majorité réelle dans un pays, doit-on encore se voiler la face et laisser croire que ce sont seulement des gens qui se désintéressent de la politique? Je relis par exemple, avec un taux d'abstention s'élevant à 50,02% au niveau national lors du second tour des départementales, les dernières, hein, la France est devenue une démocratie de l'abstention. On ne s'est pas posé beaucoup de questions à ce sujet. En 1995, avec 20% d'abstention, Jospin n'atteignait que 38,4% des électeurs, 48% quand on ne compte pas l'abstention, et Chirac, 41,6%, 52% hors abstention. Aucun n'aurait dû être élu. Aux législatives de 2012, sur les 197 députés, seuls 17 auraient été élus si l'abstention avait été comptabilisée. L'abstention, le seul choix qui reste pour tous ceux qui veulent une autre politique. Une politique au service du plus grand nombre. Une politique sociale. Et qui veulent en finir avec les projets économiques uniformes de la droite à la gauche, c'est-à-dire privatisation, libéralisation et autres restrictions budgétaires. Voilà aussi pourquoi le FN mène une stratégie consciente de dissimulation de ses objectifs xénophobes et autoritaristes derrière les thèmes d'antimondialisation, de focalisation sur l'islam, de défense de la laïcité et de retour au franc. Quel pouvoir réel le suffrage universel donne-t-il au peuple français? La Constitution de la Ve République affirme que seul le suffrage universel légitime les décideurs. Mais en même temps, elle dénie au peuple toute possibilité de valider les décisions des élus. Entre deux élections successives, le peuple n'a que le droit de se taire. Seul le référendum permet théoriquement au peuple de reprendre la main entre des élections. Mais là encore, l'exemple du référendum de 2005 sur le projet de traité constitutionnel européen nous rappelle que les décideurs élus au suffrage universel ne sont pas disposés à rendre des comptes sur leurs décisions. 2 ans après le refus français et quand même de quelques autres pays, nous n'étions pas les seuls à nous opposer, le traité constitutionnel a refait surface sous le nom de traité de Lisbonne, adopté hors de toute sanction par des votes nationaux, par des gens élus ou non, sans l'avis des peuples concernés. Plus question de référendum. Le peuple vote mal. Il ne faut pas qu'il se trompe encore une fois. Plus près de nous encore, le peuple grec s'est vu imposer contre ses propres votes au suffrage universel. Des dirigeants parachutés par l'Europe, c'était avant les élections Syriza, je vous rappelle, les dirigeants de la Grèce ont été parachutés par l'Europe. Des mesures économiques qu'il avait rejetées et l'humiliation voulue de ses dirigeants élus par l'ensemble de l'Union européenne. Indispensable le suffrage universel? C'est le cache-sexe derrière lequel se réfugient les élus, car en lui seul réside leur légitimité et ils en ont besoin. Et pourtant, oui, il faut le défendre, le suffrage universel. Mais pour cela, il faut également réclamer une constitution qui le respecte et qui implique que les élus se conforment aux décisions de ceux qui les ont élus, sous peine d'être révoqués. Cela implique nécessairement de faire appel à une assemblée constituante dont il faut avant tout définir les règles présidant à sa formation, mode de désignation de ses membres, limite de son rôle, validation de son projet par le peuple. Et je terminerai par quelques citations du genre Monsieur Robert Charvin. T'as encore 10 minutes. Oui, non, mais je vais peut-être un peu vite, si il faut le dire. Bon. Monsieur Robert Charvin, professeur émérite à Nice Sophia Antipolis, parlant de la Grèce, de l'Europe, et notamment de l'Europe, des dirigeants européens. Leur conception de la démocratie est très restrictive. Elle ne concerne pas les droits économiques et sociaux. Elle est favorable au principe du pluralisme, tout en marginalisant par tous les moyens ce qu'elle considère comme extrémiste, variable selon les circonstances. Elle se fait la championne de la liberté d'expression, dont elle fixe cependant des limites. En France, par exemple, on applaudit vivement à Charlie, mais on assassine certaines émissions dérangeantes de radio ou de télévision, et le droit à l'information est sous le contrôle strict de quelques oligarques. La démocratie à l'occidentale est en réalité surtout celle du bavardage. L'impact recherché est une canalisation soft vers une pensée unique. Ou bien ce que disait M. l'abbé Sieyès en 1791. Tous les habitants d'un pays ont droit à la protection de leur personne, de leur propriété, de leur liberté. Mais tous n'ont pas le droit de prendre une part active dans la formation des pouvoirs publics. Silence aux pauvres. Je vous conseille ce petit livre d'Henri Guillemin, qui est très intéressant sur la façon dont on construit un suffrage censitaire et qui serait encore mieux s'il allait un petit peu plus loin jusqu'à la constitution de la Ve République, qui fait beaucoup plus fort que le suffrage censitaire, puisqu'elle a réussi à mettre en place un suffrage universel qui n'a plus aucun pouvoir. Mais ça, je pense que maintenant, on s'en rend bien compte de plus en plus. En fait, de démocratie représentative, nous sommes passés à une démocratie de représentation dans le sens théâtral du mot. La scène politique nous sert le spectacle des turpitudes de son petit personnel, un peu comme la mythologie grecque occupait la plèbe avec les drames et les passions qui déchiraient l'Olympe. Et les grands prêtres de l'info dépendant de cette théâtralisation de la vie publique amplifient à dessein la dramaturgie politique. Ce sont les caisses de résonance des petites phrases creuses et des basses manœuvres des acteurs de la vie publique et médiatique. D'où l'importance du tapage autour des questions d'appareil ou du monologue du nabo. C'est un article qui date de 2010. Hein. Comment s'intéresser encore aux discours alors qu'ils sont probablement l'aspect à la fois le plus vain et le plus édifiant de la vie politique. Et puis encore... Le droit constitutionnel, là c'est encore une fois un professeur, Roselyne Lettron, professeur de droit public à l'université de Paris-Sorbonne, qui nous parle de propositions de loi proposées par EELV, François de Rugy, le vote obligatoire, donc les gens qui ne participeraient pas paieraient une amende. Est-ce que cette loi serait susceptible de passer ? Et son article du 19 mars 2015 s'appelle « Le vote obligatoire ou la démocratie coercitive ». Et elle dit « Le droit constitutionnel français dit « Le droit de suffrage est avant tout un droit du citoyen. Il peut donc en user ou ne pas en user, voter ou ne pas voter. » Je trouve qu'il y a une question qui est posée aujourd'hui. Et je crois qu'il y a... Il y a déjà des gens qui sont en mouvement. Et moi, je trouve ça important parce que c'est quand même une remise en cause, non pas du vote, ni du droit de vote, mais une remise en cause de la manière dont ça se passe. Je dis tout est fait pour maintenir en place le type de société qu'on nous met, auquel on n'a pas envie de participer. Quoi. C'est ça, tout à fait. Mais pas y aller, ça ne change rien. Non. Ah ben non, alors je joue alors à ce moment-là. Qu'on se mette au travail pour essayer de voir comment on peut agir. Déjà de dénoncer, moi je crois que c'est important. Moi je ne dirais pas que pas y aller, ça ne change rien. Ça les gêne quand même qu'il y ait de moins en moins de monde. La preuve c'est qu'ils se posent la question. Des votes exprimés comme dit. Mais quand il y a 50% de votes non exprimés parce qu'il y a des abstentionnistes, plus les votes blancs, je pense que ça quand même, ça commence à poser des questions. Soit ils vont effectivement aller plus loin et puis nous remettre en place un système censitaire ou dire qu'au bout de 3 élections auxquelles on n'a pas participé, on va perdre nos... Mais pourquoi ? Puisqu'on vient de le dire, le Conseil constitutionnel lui-même le dit, le droit de vote, c'est le droit de voter ou de ne pas voter. C'est le droit d'y aller ou de ne pas y aller. Oui, mais là, le Conseil, on nous dit qu'on a le droit de voter ou le droit de ne pas voter. Mmh. En n'allant pas voter, on exerce un droit qui nous permet de ne pas intervenir sur la vie publique. Non, je ne suis pas d'accord. On exerce justement le droit de dire il n'y a aucun candidat qui ne propose ce que moi, j'ai envie de voir défendre. Et ça, aujourd'hui, ils défendent tous la même chose. Enfin, on les a vus tous les uns après les autres. Ça fait quand même, l'alternance, elle joue depuis quelque temps chez nous quand même. Il faut faire attention quand même, je pense qu'un droit qu'on n'utilise pas, on peut le perdre très vite. Alors il vaut mieux mettre un bulletin nul ou mettre le candidat qu'on aurait voulu voir, et, mais bon, il n'est pas candidat, mais je pense quand même qu'il faut faire autrement que ne pas aller voter, parce que les... moi je dis quelquefois que contrairement aux piles, un droit ne s'use que si on ne s'en sert pas, et on peut perdre très vite un droit qu'on n'utilise pas, donc faire attention à ça quand même. Je comprends, mais en même temps, le fait même qu'on aille voter avec un vote nul, on sera comptabilisé comme ayant voté. C'est ça. Et le problème, c'est que de toute façon, on sait pertinemment que cette constitution n'est pas faite pour que notre avis s'exprime. Elle est faite pour donner la place à des décideurs qui sont sur des listes préétablies. Quelque part, de toute façon, la vie politique, elle est bloquée de la droite à la gauche. On a ouvert à l'extrême gauche pour pouvoir évacuer d'autres. Enfin bon, je veux dire, les manœuvres politiques, politiciennes, machin, hein, de la représentativité théâtralisée, hein. Mais en même temps, on sait pertinemment qu'une fois que ces gens-là sont élus, ils font ce qu'ils veulent. Et ils ne font pas les programmes sur lesquels on les a élus. 50% d'ouvriers employés dans la population, 1,9% à l'Assemblée. Oh. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne peuvent pas se présenter, les ouvriers employés? Je crois bien que non, qu'ils ne peuvent pas bien. Et des cadres, 18% dans la population et 82% à l'Assemblée, quelque chose comme ça. 19% dans la population, 82%. Quand on dit cadre supérieur, hein, c'est pas seulement le cadre supérieur en entreprise, c'est les professions libérales et tout ça. Hein. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire un pays où on fait de la politique une profession? La politique, c'est pas l'affaire d'un professionnel, c'est l'affaire du citoyen. Ça paraît évident, mais quand on dit le peuple est souverain, ça fait du bien de l'entendre, mais le peuple c'est une abstraction. Et ce que tu as envie de dire et de promouvoir, toi, ta voisine n'a pas envie de la même chose, moi non plus, etc. Donc il y a aussi cette difficulté là. Il y a des grandes idées communes quand même. Oui, quand même, je pense qu'il y a aussi forcément effectivement, effectivement, je veux peut-être que mon trottoir soit pavé et toi qui sois goudronné. Bon, voilà, j'exagère. Il y a forcément des catégories, pour les personnes qui ne se trouveront pas représentées. Même la démocratie ça repose carrément la question de la représentation. Est-ce qu'on peut avoir... C'est plus que de la représentation, c'est de la responsabilité des représentants devant les gens qui l'ont élu. C'est le mandat impératif, c'est ces choses-là, c'est des questions qu'il faut remettre sur le métier, hein, comme disait l'autre. La constituante, ça peut se refaire, hein, mais il faut la réclamer. Et pour ça, il faut se mettre effectivement en marche. Moi, je me pose une autre question. Oui. Est-ce que les hommes politiques ont-ils encore vraiment le pouvoir? Est-ce que ce n'est pas ceux qui détiennent l'argent qui ont le pouvoir? Ils sont à leur service. Il faudrait aussi voir qui nous représente, de quel milieu ils sont issus. Ben, c'est bien le problème. Et ça a toujours été le problème. Et c'est bien encore. Qui aujourd'hui, c'est un métier. Ça, on passe par Sciences Po, on passe par Béla. Derrière, on est politicien. On est un politique. Voilà. On est un politique. Je partage ton diagnostic, mais pas les conclusions que tu en tires, parce que tu as une lecture très monolithique du monde politique. Moi, je regrette, j'ai été élu municipal, je me considère du peuple, comme toi. Et je n'ai pas fait profession de la politique, et je connais des tas d'élus qui ne font pas profession de leur politique, ils font ça par bénévolat. Ils sont noyés dans la masse. Non, attends. Ils sont noyés dans la masse, mais le problème, c'est qu'on a une vision aussi, on a un tropisme aujourd'hui, on est tous... on regarde le spectacle des mondes politiques, des professionnels qui effectivement offrent un spectacle désolant, mais il y a quand même une grande majorité d'élus qui ne sont pas des pourris, qui essaient de jouer la démocratie représentative avec tous les défauts qu'elle a de la meilleure façon. Mais moi, ce qui me gêne dans ton discours, c'est tu as l'air de faire un bloc des abstentionnistes. Dans les abstentionnistes, il y a de tout. Ce n'est pas des militants qui ont forcément envie de changer. Ça peut être aussi des gens qui vont offrir le pouvoir à un dictateur. Donc tout est possible. Je ne te dis pas ça pour toi. Il me semble qu'il y a une problématique que tu n'as pas posée et qui me paraît fondamentale. C'est le fait que le pouvoir, ce qui est anormal dans une société, c'est que le pouvoir il soit incarné que par le monde politique. Nous, société civile, nous, monde associatif, nous, etc. Non, je suis pas d'accord. Ah, tu m'excuseras, on peut développer. Je ne sais pas si tu es d'accord. Non, mais c'est, ça ne me gêne pas que tu ne sois pas d'accord, je te dis ce que je pense. Donc, je pense qu'il y a, quelques instances représentatives qui ont encore peu de pouvoir, comme le comité économique, social et régional, et national. Je pense que l'articulation entre le pouvoir politique et le pouvoir de la société civile n'existe pas. C'est vrai que le problème, c'est que, y compris, moi, beaucoup de gens, aujourd'hui, en s'abstenant, ils se mettent en spectateur. Et donc, je pense que ça, l'attitude de spectateur, pour moi, c'est tu te mets en dehors. Donc, je pense que le problème, c'est que tout le monde devrait exercer le pouvoir. Tout le monde a un pouvoir. Le problème, c'est qu'il y en a qui ne peuvent pas l'exercer. Et moi, ce n'est pas que personne n'ait du pouvoir, c'est que tout le monde ait un pouvoir. Parce qu'on a tous des expertises, on est tous intelligents, on a tous des connaissances de choses. Le problème, c'est que ce qui est anormal, c'est qu'il y a des gens qui sont acculés à être spectateurs et à regarder. Et de plus en plus, avec la médiatisation, on va effectivement regarder. Quoi. Et ça me gêne. Alors, Sylvie, Carême. Marie-Mathe, Carême. Moi, j'irai voter. Je ne peux pas ne pas y aller. Ne serait-ce que par respect tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on voit là, ce soir, autour de nous, sur les murs. Par contre, tu vois, ce que je me dis, c'est que je me dis, est-ce que ça ne serait pas intéressant à ce moment-là, puisque ces sources, le Café Citoyen est source de propositions, pourquoi ne pas revendiquer ce que tu es en train de dire lorsqu'il y a vote? C'est-à-dire qu'on va voter parce qu'on sait que c'est un droit, c'est un droit qu'on ne doit pas lâcher. Parce que ce droit-là, c'est vraiment, on parlait de clé tout à l'heure, et je pense qu'elle est vraiment importante. Donc on ne peut pas la lâcher. Par contre, on peut dénoncer des choses tout en disant, voilà, nous, on va voter parce que c'est notre droit et parce qu'on veut le défendre, mais aussi, mettons-nous devant les bureaux de vote en disant, voilà, on aborde la question vraiment ouvertement du refus de voter, de l'acte politique. Ouais, et de l'acte politique. Oui, moi, c'est pas tant la défiance, je pense, il y a la défiance par rapport au personnel politique, c'est net. Il y a aussi le jeu politique des petites phrases assassines, occuper la galerie, faire passer, occuper les médias avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec Morano et compagnie, on va en parler pendant des mois, c'est ridicule, c'est un ridicule absolu. Mais c'est pas tellement ça qui me gêne, c'est plutôt l'incapacité des politiques à agir, parce que ça se décide pas en France, parce que ça se décide pas ici, parce que de toute façon le TAFTA, s'il passe, le TAFTA il passera, j'espère qu'il passera pas, mais s'il passe, après ça ils pourront toujours s'engueuler à l'Assemblée, de toute façon ça sera pas eux de décider. Donc à quoi ça sert d'aller voter pour des gens qui en fait n'auront pas le pouvoir, parce que de toute façon, même s'ils étaient tous honnêtes et tous décidés à rendre service au peuple en entier, de toute façon ils n'auraient pas le pouvoir. Alors je me demande bien à quoi ça sert d'aller voter, c'est ça le problème. Moi je suis élue municipale, hein, ici à Rennes, et élue communautaire, et je trouve que l'échelon local c'est un des derniers échelons, un tant soit peu démocratique, mais il y a déjà quelque chose de pourri dans le système politique sur lequel est basée notre démocratie. Même au sein d'un conseil municipal, c'est pas représentatif. Les élus, que ce soit hommes ou femmes, ce sont des retraités, des gens de l'éducation nationale ou des fonctionnaires, parce qu'il n'y a pas de statut de l'élu. Il y a un statut de l'élu, mais vraiment minime, qui permet, en fonction de son mandat, de la nature de son mandat, de prendre, hein, de demander à son employeur un certain nombre d'heures de décharge, évidemment qui sont retirées de son salaire. Mais si on veut vraiment bien assumer son mandat, on a besoin de beaucoup, enfin on a besoin d'avoir de temps, quoi. Et donc, autant, voilà, c'est plus facile, hein, quand on est fonctionnaire, bon après retraité évidemment aussi. Mais du coup, il y a plein de parties de nos concitoyens, enfin, qui ne sont pas représentées dans ce système oligarchique, voilà, qui est un système où les élites et où nos élus se reproduisent, à cause justement du manque, enfin, du fait que ce statut de l'élu n'existe pas, du fait qu'on peut faire profession d'élu, du fait que le cumul des mandats existe, hein, et qu'on n'est pas limité dans le temps par rapport au nombre de mandats. Donc, il y a des indemnités telles que tout élu, à un moment donné ou à un autre, s'il fait profession d'élu, il est perverti par l'argent des indemnités qui dégringole. C'est une réalité. Et donc, du coup, il y a collusion très facile entre les élus et les autres personnes qui ont le pouvoir économique ou autre. Et moi, déjà, au niveau local, je me bats pour que ça évolue un petit peu, mais déjà, je suis laminée par un système qui est en place. Le système partisan, qui est un système qui représente le plus grand monde, parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup, enfin, il n'y a plus beaucoup de partisans, enfin d'adhérents aux partis politiques, parce que c'est vrai qu'il y a un fonctionnement tel que c'est pas très démocratique non plus au sein des partis politiques. Après ce que tu disais, Jean-Claude, et c'est vrai que c'est ce qu'on essaye de faire dans beaucoup de municipalités, il y a quelques élus qui sont convaincus qu'il faut une vraie articulation entre la démocratie participative et la démocratie représentative. Mais ce qu'il y a, c'est que on est quelques-uns encore au sein des conseils municipaux ou communautaires à partager vraiment l'idée d'une démocratie participative qui vient en complément et à un même niveau que la démocratie représentative. La plupart de nos collègues élus, bon, ils nous laissent faire, quoi, mais c'est un peu le faire valoir. Voilà, on met une petite étiquette. C'est compliqué. Un café citoyen, c'est un débat d'idées sur Un café citoyen, c'est avant tout un lieu convivial. Un café citoyen, c'est pas une conférence. Et c'est pas échange, du tout. Ce qui importe le plus, c'est vraiment la participation des citoyens. En écoutant les opinions de chacun, de se faire une idée. Le principe est d'avoir des personnes de ressources qui s'expriment sur une courte durée. Et ensuite, un débat est lancé avec les présents dans la salle.